La maison sous les arbres est en pierre de lune posée une à une comme des brindilles sur un nid d'oiseaux, des diamants qui brillent sur de l'eau. La maison sous les arbres est en pierre de lune posée une à une, oui, comme des brindilles pour te faire un nid. Ce sera ton île, ton abri, la maison sous les arbres n'aura que des fenêtres et un toit peut-être où les hirondelles et leurs hirondeaux rangeront leurs ailes en duo. Oh, viens, je l'ai faite pour toi de mes mains. Elle a besoin de toi, tu vois. La maison sous les arbres est en pierre de lune posée une à une, mais pour l'habiter c'est bien entendu, tu devras marcher les pieds.